de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gemozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une exposition qui se tiendra à Saint-Dié-des-Vosges du 13 au 28 août. Je suis actuellement au téléphone avec Francis. Francis, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, bonjour Laura, très bien, merci, bonjour aux auditeurs. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, donc Francis Burger, je suis sur Saint-Dié-des-Vosges, je suis président d'une association qui s'appelle Reportage Voyage, dont le but est de présenter des reportages de voyage, mais je m'occupe également de deux clubs photos, un qui est sur Saint-Léonard et l'autre qui est sur Saint-Dié-des-Vosges, qui s'appelle Photo Passion Nature et qui est une partie des Amis de la Nature de Saint-Dié-des-Vosges. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'association Les Amis de la Nature ? Alors, les Amis de la Nature, c'est une association nationale. D'ailleurs, vous avez fait la promotion également d'une exposition qui se passe à Rupt-sur-Moselle par les Amis de la Nature de Remiremont. Mm-hmm. Et donc, c'est un petit peu le même principe. Les Amis de la Nature de Saint-Dié ont également un groupe photo qui arpente les paysages des Vosges et en ramène des images. Et donc, nous proposons, nous, non pas une exposition en extérieur comme nos amis de Remiremont, mais une exposition photo en intérieur à la Tour de la Liberté à Saint-Dié. On est là, on sera 14 photographes à présenter en total à peu près 70 photos. Quel est votre parcours au sein de l'association ? Au sein de l'association, moi je suis relativement nouveau, puisque jeune retraité, j'ai adhéré à l'association sur le tard, parce que bah, justement ça m'intéressait pas mal ce genre de manifestation. De donner un petit coup de main, étant photographe de métier, on m'a demandé également de donner un petit coup de main au niveau de l'animation du groupe, au niveau de conseils, de prise de vue, et puis au niveau gestion, justement lorsqu'il y a des expositions à organiser comme ça. Donc moi, ça doit faire 4-5 ans que je fais partie des Amis de la Nature sur Saint-Dié. Qu'est-ce que le groupe Passion Photo Nature ? Eh bien, le groupe Passion Photo Nature, c'est une petite partie des Amis de la Nature de Saint-Dié. Donc historiquement, lorsqu'il y avait des sorties organisées, eh bien, parmi les randonneurs, il y avait toujours des traînards parce que les photographes ne sont pas forcément des marcheurs très rapides. On va prendre notre temps, s'arrêter devant une petite fleur, un paysage. Donc, c'était difficile d'avoir des sorties avec des photographes et des randonneurs. Donc, on a scindé un petit peu. Les photographes, maintenant, font leurs sorties entre eux à leur rythme et les marcheurs font leurs sorties entre eux un petit peu plus rapide. Et donc c'est un petit peu pour ça que cette section photo s'est créée et qu'on a un petit peu pas scindé, hein, puisque ça fait partie des Amis de la Nature. Mais c'est un petit groupe des amis qui font plus de photos que de randonnées. Combien est-ce qu'il y a de membres dans le groupe ? Alors dans le groupe Photo Nature, on va dire qu'il y a une trentaine de participants. Et comme là, vous voyez, on va dire une quinzaine vraiment qui suivent régulièrement les réunions, les sorties et qui participent aux expositions. Est-ce qu'ils vont tous participer à l'exposition ? Non. Bah, je pense que comme beaucoup d'associations, on a du mal à se remonter des problèmes de Covid et autres. Donc cette année, on n'a quasiment pas pu faire de réunions, donc de se retrouver. Donc ça a été difficile de relancer un peu la machine, de remotiver les personnes. Donc on est à peu près la moitié, 14 photographes sur une trentaine d'inscrits à avoir réussi à se retrouver, à faire quelque chose, à proposer quelque chose au public. J'espère qu'à la rentrée, il y aura un petit peu plus de motivation. Et je pense qu'on n'est pas la seule association à avoir ce problème de remotiver nos membres. Alors quel genre de matériel est-ce qu'ils ont utilisé ? Est-ce qu'ils avaient des appareils photo de professionnels ? Il y a un peu de tout, beaucoup de réflexes bien sûr, mais on a également des personnes qui ont des appareils beaucoup plus simples, ce qu'on appelle des bridges ou des compacts. On n'est pas, c'est pas la course au matériel, c'est plus une sensibilisation à la beauté de la nature. On peut faire une très belle photo même avec son smartphone, hein, pourquoi pas. Bon, ça sera pas la même chose, c'est sûr que faire le brame du cerf avec un smartphone, c'est peut-être pas évident. Mais être attentif à la beauté de la nature, à la beauté d'un paysage, un lever de soleil, d'une fleur, eh bien, on peut très bien immortaliser ce moment avec un appareil relativement simple. Alors forcément, quand on fait une exposition, on va demander à ce que la photo soit une certaine qualité. Un appareil photo un petit peu plus haut de gamme donnera un tirage photo plus net, plus contenu, avec des couleurs et avec un rendu de meilleure qualité que si c'est un petit compact à 200 euros. Mais c'est pas le but. Hein. Au départ, c'est plus une sensibilisation à la beauté de la nature que l'on va mettre en image. Donc là, on ne ferme pas du tout la porte à ceux qui n'auraient pas le matériel dernier cri, absolument pas. D'accord. Est-ce que c'est la première expo photo de ce genre ? Ah non, on en fait une tous les ans, donc il y a déjà un petit peu d'expérience derrière. Ça doit être la troisième fois qu'on est à la Tour de la Liberté à Saint-Dié, mais nous avons exposé à Raon-l'Étape, à Entre-deux-Eaux, un petit peu partout. Donc on a un petit peu d'expérience quand même au niveau de l'exposition photo, mais toujours en intérieur pour le moment. Quel est votre rôle au sein de l'exposition ? Alors mon rôle personnellement, je suis un petit peu, on va dire, l'animateur avec André-Antoine. André-Antoine qui, lui, est le fondateur du groupe photo. Et donc, comme je vous disais, moi, ça fait 4-5 ans que j'ai retrouvé ce groupe, alors que ça fait plus de 15 ans qu'il existe. C'est André-Antoine qui, historiquement, a lancé ce groupe photo. Et donc, moi, actuellement, j'aide un petit peu André à cette mise en place, à la sélection des photos, à la communication, à la preuve, puisque nous sommes au téléphone ensemble, à la mise en place de l'exposition. Bon, j'ai repris un petit peu toute cette partie technique et qui n'est pas forcément marrante. Quel est le thème de l'exposition ? Alors, le thème, c'est Regard sur nos Vosges, c'est-à-dire que nous avons demandé à nos photographes de présenter des images des Vosges. C'est très ouvert comme thème, mais il y aura quand même principalement du paysage, de l'animalier, de la flore, de la faune, peu d'humains. C'est un petit peu mon regret personnel. J'aurais aimé qu'il y ait le regard sur les Vosges, c'est pas que le paysage, c'est aussi l'homme. Et malheureusement, nous n'avons pas beaucoup dans la section de personnes qui s'intéressent à l'humain. J'aurais aimé des portraits d'artistes, des portraits d'agriculteurs, de personnes qui vivent près de la nature, mais non, là, nous n'aurons quasiment que du paysage et de l'animalier. Est-ce que vous exposez, vous aussi ? Oui, alors oui, j'expose aussi, bien sûr, oui. C'est du paysage et c'est de l'animalier. Voilà, j'ai fait comme les petits copains, je ne me suis pas cassé la tête à aller chercher des hommes, bien que j'ai ça quand même dans l'ordi. Non, là, on est parti vraiment sur la nature, les amis de la nature. Donc on est parti vraiment sur la beauté de la nature, sur la beauté du paysage, de la flore, de la faune. Ce que je voudrais aussi préciser, parce qu'on n'en a pas encore parlé, nous avons un invité d'honneur qui est Jacques Martin de Gérardmer, qui nous présente une série de photos sur la glace. Donc là, bon, on est très content de recevoir Jacques, qui est quand même aussi un photographe réputé sur la région. Et c'est la première fois qu'il va exposer avec nous. Donc ça nous fait très plaisir. Ça se passera quand, l'exposition ? Donc l'exposition démarre samedi, ouvert tous les jours de 13h30 à 18h, donc jusqu'au 28 août. Et c'est la Tour de la Liberté à l'étage à Saint-Dié-des-Vosges. Donc la Tour de la Liberté, on ne peut pas la louper, c'est en face de la mairie. Il y aura combien de photos en tout exposées ? On va avoir à peu près 70 tableaux. D'accord, c'est pas mal déjà. Ça fait quand même, oui non, ça va, on ne se déplace pas pour rien. non, ça va. Et beaucoup, beaucoup de choses de très bonne qualité. Ça vaut le coup de venir se déplacer. Alors, est-ce que les photographes seront là pour discuter avec les visiteurs ? Alors, nous faisons un vernissage, inauguration samedi à 18h. Il y aura toujours une permanence assurée par un ou plusieurs photographes, mais nous ne serons pas les 14 présents tous les jours pendant 2 semaines. C'est un petit peu l'inconvénient lorsqu'on fait une exposition qui dure aussi longtemps par rapport à une expo qui durerait qu'un week-end où on peut se permettre d'être en permanence. Mais là, ça faisait quand même beaucoup, un peu trop lourd à gérer d'être là tous les jours. Donc on va se relayer. Il y aura toujours un photographe qui sera sur place pour répondre aux questions éventuelles. Est-ce que l'entrée sera payante ? Non, c'est gratuit. Non, bien sûr, entrée gratuite, libre. De 7 à 60 pour 97 ans. Super. Est-ce qu'on peut aller voir l'expo tous les jours ? Oui, tous les jours, 13h30, 18h, y compris le dimanche. Est-ce que vous avez d'autres projets après cette exposition, Francis ? Au niveau des Amis de la Nature, non. Le projet, c'est de relancer nos réunions mensuelles, nos sorties, éventuellement une exposition l'année prochaine à nouveau. Moi personnellement, oui, j'ai pas mal de projets qui sont en route. Notamment, je reprends mes soirées voyage. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire qu'une fois par mois sur Saint-Dié, j'invite un reporter ou un réalisateur voyageur à venir présenter son film. Donc, c'est une projection en présence du réalisateur. Et je suis en train de préparer le programme. Donc là, j'aurai 6 invités avec des gens assez célèbres, puisque des personnes qui passent régulièrement sur Arte ou sur la chaîne Voyage. Donc des beaux rendez-vous. Comme qui, du coup, et vous attisez ma curiosité? Alors, comme là. Qui? Alors, aujourd'hui, normalement, j'aurai Mélusine Malandère qui parcourt le monde sur sa moto à la rencontre des femmes. Et j'aurai Nicolas Alliot qui est de Nancy et qui va nous présenter un trip en parapente dans l'Himalaya. Mm-hmm. Donc quand même quelque chose qui n'est pas évident. J'aurai Péjean qui est un jeune qui vient de Colmar, qui va nous raconter plusieurs années à vélo autour du monde, plus un voyage en Birmanie à la recherche de la doyenne du monde. Et puis d'autres qui sont pour parler. Donc, très j'espère, une traversée à vélo de l'Alaska à la Terre de Feu, une randonnée à travers les Pyrénées, voilà, donc des choses très variées, en rapport principalement avec la nature, de l'aventure et en même temps des relations humaines. Ah oui, c'est un très beau programme, dis donc, tout ça. Oui, voilà, donc à retrouver sur le site reportage-voyage.fr. Deuxième page de pub. Je vais vous mettre tout ça sur votre page Facebook. Il n'y a aucun souci. Est-ce que vous faites partie d'autres associations? Oui, donc comme je vous disais, il y en a 3. Donc les Amis de la Nature, Reportage Voyage et le groupe amical d'expression photographique, un autre club photo sur Saint-Léonard. Voilà, que j'anime également. C'est un petit peu le même principe, mais que les Amis de la Nature, sauf que nos membres sont beaucoup plus... ont une vision plus large, donc on n'a pas que de la nature, on a également de l'humain, du portrait, de l'urbex, de la ville, un petit peu tout, des photographes qui touchent un petit peu à tout. Et nous organisons une exposition tous les ans pendant la Semaine des Arts qui se déroule sur le week-end de l'Ascension, autour de Saint-Léonard, toute la vallée de Anoul, Plainfin, Fraise. Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre via toutes ces associations? Eh ben voilà, donc il y a ma page Facebook Francis Bourguer, il y a la page Facebook Reportage Voyage, et il y a le site de l'association Reportage Voyage, il y a le site de l'association des Amis de la Nature. Donc je pense que par les réseaux sociaux, on peut déjà trouver pas mal de renseignements. Et puis en venant nous voir à la Tour de la Liberté, il y aura toutes les notes qui seront sur place. Est-ce que vous auriez autre chose à ajouter à nos auditeurs, Francis? Si, j'aurais envie de rajouter un petit message. Je pense que suite au confinement, beaucoup de personnes ont retrouvé le plaisir de la nature et que c'est quelque chose qui est très très important de profiter tout en respectant cette nature, d'aller se promener avec ou sans appareil photo, d'admirer aussi bien une toute petite fleur au bord du chemin qu'un cerf en train de bramer, peu importe, tout est beau dans la nature et tout a besoin d'être protégé. Et nos expositions, c'est un petit peu ce but de faire découvrir à des personnes qui n'auraient peut-être pas le regard qu'ont nos artistes, on peut trouver des choses extraordinaires tout près de chez soi, dans son jardin. Il suffit simplement de prendre le temps de regarder une fleur, de la regarder de près, pourquoi pas avec une loupe, et on découvre des merveilles absolument extraordinaires. Voilà, il faut s'émerveiller. J'ai envie de reprendre la phrase de Vincent Millier, on ne manque pas de merveilles, on manque de gens émerveillés. C'est très joli, je ne connaissais pas du tout cette citation. Voilà, c'était lors de l'inauguration de l'exposition au Haut du Tour. Ah, c'est super. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, qu'on ait beaucoup de monde qui vienne à nos différentes manifestations et qu'on partage, parce que c'est ça, c'est pour ça aussi une exposition, une projection, une conférence, c'est pour le partage. Combien de temps il faut pour organiser tout ça? Eh ben, c'est un travail d'un an hein, en général. Un an, ah oui, quand même. Oui, on se retrouve régulièrement, on se montre nos images, tiens, celle-là elle est pas mal, tu dois la mettre de côté, on aide ceux qui débutent. Donc voilà, donc une exposition, c'est un petit peu le résultat d'une année de travail, c'est peut-être beaucoup, hein, Mais c'est le résultat d'une année de réunions, de sorties, de rencontres. Le travail proprement dit, c'est chacun de son côté, hein, chacun chez soi, trie ses photos, les encadre et va venir avec ses photos sous le bras vendredi après-midi pour l'accrochage. Mais c'est tout le travail en amont de la prise de vue, de la sélection, des échanges avec les copains. Est-ce que tu penses que celle-là est bien? Non, tu devrais plutôt la cadrer comme ça, etc. Donc c'est un petit peu... C'est ces échanges qui sont importants aussi. Vous vous sentez vraiment en phase avec la nature, finalement? Oui, bah sinon, on ne s'appellerait pas les amis de la nature. Non, c'est vrai, on est vraiment dans... Et puis, on n'est pas les seuls. Hein, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes, je pense, qui aujourd'hui découvrent ou redécouvrent tout ce que la nature peut nous apporter. Hein. Actuellement, la nature souffre beaucoup avec le manque d'eau. Mais bon, on peut aller se promener et on est sûr de ne pas prendre une averse sur le coin du nez. Donc, faut profiter, faut aller sur les hauts, faut aller un petit peu partout, dans la forêt. Et puis profiter de cette nature qui est autour de nous. Bah finalement, la nature, c'est comme la vie, on finit pas d'apprendre des choses et de découvrir. Ça c'est sûr. On n'a pas fini. Si on est curieux, on n'a pas fini d'apprendre. Hein. C'est sûr. Il est malheureusement le temps de se quitter. Francis, merci d'avoir été avec nous. Mais merci de m'avoir accueilli. C'est très très sympa. J'espère que de nombreuses personnes viendront voir l'exposition Regards sur nos Vosges qui se déroulera du 13 au 27 août à Saint-Dié-des-Vosges. Quant à vous, auditeurs et auditrices de Radio Gémozo, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. C'était Laura. Bye tout le monde!